J'étais avocat dans un petit cabinet. Un emploi sans perspective de carrière. Et j'étais surqualifié. Mais les plaidoiries au tribunal ont été une expérience très utile pour mon travail chez Global Trust. Car cela m'a appris que la volonté du client l'emporte toujours sur la vôtre. C'est l'un des accidents les plus graves auxquels Global Trust a été confronté. La tâche s'annonce rude, mais je compte sur vous. Faites ce qu'il y a de mieux pour la compagnie. Vous voulez bien me rendre un service? J'ai besoin de résultats sur la production du site 13. Le conseil aimerait savoir si nous réussirons à mener à bien le plan biennal. Quoi? Tous les dégâts infligés sont complètement absorbés? Mais qu'est-ce que c'est que... cette étrange lueur sur ce navire? Un bouclier? Comment se fait-il qu'on ne l'a pas vu avant? Ah, c'est fini. Excellent travail. J'ai toujours su que vous étiez le plus qualifié pour cette mission. Vous êtes un atout irremplaçable pour cette compagnie. C'est fort dommage. J'avais de grands projets pour vous. Vous en porterez l'entière responsabilité.